Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comme je vous disais, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est vendredi soir. Il est post 21h et près 23h. C'est donc Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuisance. L'émission de toutes les nuisances qui a pour thème ce soir. C'est toi, Mourmour. Oui, je sais, c'est un thème qui pue, mais sinon on va changer, on va plutôt parler d'un truc qui se passe. N'écoutez pas mon émission ce soir, allez, barrez-vous tous, allez au THSF, à Mixart Meris, là, le Toulouse Hacker Space Festival. Il y a du glitch, il y a de la noise, il y a de la drone ambiante, expérimentale, non. Il y a des machines, des trucs électriques, des machins qui bougent, il y a plein de choses. Au THSF, à Mixart Meris, rue Ferdinand Lassalle. Donc vers le boulevard de Suisse, Canal du Midi, il faut marcher un peu ou quoi. Regardez sur le web, Mixart Meris, THSF, ce soir, demain soir, hier soir, et dimanche après-midi, ça continue. N'hésitez pas à vous y rendre, à participer de la fête, et du mouvement, et de l'événement. C'est dit, et ce sera répété dans la soirée. Allez au THSF, n'écoutez pas cette émission scandaleuse. Une nuisance, allez plutôt faire quelque chose d'autre, socialement parlant, au THSF qui se trouve, qui se passe à Mixart Meris, rue Ferdinand Lassalle, à Toulouse, en France, ce soir, encore demain et dimanche, et après c'est fini. We'll be right back. Nantes et vous n'êtes pas encore au THSF à Mixart Meris, rue Ferdinand Lassalle à Toulouse. C'est bien dommage parce que vous ratez plein de trucs et maintenant vous êtes en train d'écouter une émission ratée. Donc plutôt que d'écouter une émission ratée comme Nuisance, et ben allez donc au THSF à Mixart Meris ce soir et demain soir encore pour écouter plein de trucs pas ratés peut-être. Qui sait après tout. We will surely know that we will not live as the longest have lived forever. We will no longer at last live. For boredom is not forever, we will never know what last has lived forever. Whereas boredom lives forever, we will never know what last lived forever. forever is not the first thing that ever lasted forever. We will never know what last lived forever. As forever is not the first thing that ever lasted forever. We will never know what last lived forever. Ce qui veut à peu près dire, je n'ai pas compris encore la question qui domine l'assemblée exégète sans en jeter un seul. L'exagération n'est pas de mise, l'exagérance non plus. La désagrégence est là, non las, donc bienvenue. L'exagérance non plus. La désagrégence est là, non las, donc bienvenue. Avez-vous entendu le rien? Avez-vous entendu Le salaire n'est donc pas déterminé, en général, seulement par la masse de marchandises que je peux obtenir en échange. Il renferme divers rapports. Ce que les ouvriers reçoivent tout d'abord pour leur force de travail, c'est une somme d'argent déterminée. Le salaire n'est-il déterminé que par ce prix en argent? Au XVIe siècle, l'or et l'argent en circulation en Europe augmentèrent par suite de la découverte en Amérique de mines plus riches et plus faciles à exploiter. De ce fait, la valeur de l'or et de l'argent baissa par rapport aux autres marchandises. Les ouvriers continuèrent à recevoir la même masse d'argent monnayée pour leur force de travail. Le prix en argent de leur travail resta le même. Et cependant, leur salaire avait baissé. Car, en échange de la même quantité d'argent, ils recevaient une somme moindre d'autres marchandises. Ce ce fut une des circonstances qui favorisèrent l'accroissement du capital, l'essor de la bourgeoisie au XVIe siècle. Prenons un autre cas. Dans l'hiver de 1847, les produits alimentaires les plus indispensables, le blé, la viande, le beurre, le fromage, etc., par suite d'une mauvaise récolte, avaient considérablement augmenté de prix. Supposons que les ouvriers aient continué à recevoir la même somme d'argent pour leur force de travail. Leur salaire n'avait-il pas baissé ? Pour la même somme d'argent, ils recevaient en échange moins de pain, de viande, etc. Leur salaire avait baissé, non point parce que la valeur de l'argent avait diminué, peuvent alors acheter plus de marchandises de toutes sortes. Donc, leur salaire a augmenté, précisément parce que la valeur en argent de celui-ci n'a pas changé. Le salaire nominal ne coïncide pas avec le salaire réel, c'est-à-dire avec la quantité de marchandises qui est réellement donnée en échange du salaire. Donc, lorsque nous parlons de hausse ou de baisse du salaire, nous ne devons pas seulement considérer le travail salarié du travail capital, le salaire minimum. Mais nous, le travail salarié et capital. Ni le salaire réel. De différents côtés, on nous a reproché de n'avoir pas exposé les rapports économiques qui constituent de nos jours la base matérielle des combats de classe et des luttes nationales. Par son rapport avec le gain, avec le profit du capitalisme, le salaire relatif, proportionnel, le salaire réel exprime le prix du travail relativement au prix des autres marchandises. Le salaire relatif, par contre, la part du travail immédiat à la nouvelle valeur qu'il a créée, par rapport à la part qui en aux autres de la demi-aune. Sinon, il n'aurait qu'un sur-bénéfice et ne recevrait en échange que près de produit. C'est à dessein que nous n'avons fait qu'effleurer ces rapports que là où ils éclataient directement en collision politique. Mondial, son salaire, et non pas du fait qu'il aurait fait rendre à son capital plus que les autres. D'ailleurs, né au prix de la qu'il cherche en mettant appelé d'ordinaire prix du travail. De il n'est que le nom donné prix du travail. Prix du travail. Du marché. Il leur enlève tout au moins. Il n'est que le nom donné suivant lequel la force de travail. La force de travail est échangée contre d'autres marchandises. Que le prix la valeur d'échange de la force de travail. Des frais de production. La valeur d'échange d'une marchandise évaluée en selon que le prix du marché de l'aune de drap est au-dessus ou au-dessous des frais ordinaires de sa production antérieure, les capitalistes qui ont employé de nouveaux moyens de production plus avantageux vendra au-dessus de ses frais de production réels suivant des pourcentages différents. Mais le privilège de notre capitaliste n'est pas de longue durée. D'autres capitalistes rivaux introduisent les mêmes machines, la même division du travail, le font à la même échelle ou à une échelle plus grande, ou à une échelle plus grande, ou à une échelle plus grande, ou à une échelle plus grande. Évaluer en évaluer en évaluer en évaluer en évaluer en argent, c'est précisément ce qu'on appelle tant de viande, tant de vêtements, tant de vêtements, tant de bois, de lumière, etc. en échange de sa journée de travail. Ces deux francs expriment donc le rapport suivant lequel la force de travail est échangée contre d'autres marchandises. La valeur d'échange de la force de travail. Valeur d'échange de la force de travail. Valeur d'échange. La signification donnée n'est pas celle que l'on soumet forcément. La signification donnée n'est pas celle que l'on soumet forcément. La signification donnée n'est pas celle que l'on soumet forcément. La signification. forever. Forever. Hugues de Payens, 11-28. Robert de Cran, 11-36. Évrard Desbar, 11-49. Bernard de Tramelay, 11-50. Hugues de Payens, André de Montbard, 11-53. Robert de Cran, 11-36. Évrard Desbar, 11-49. Bertrand de Blanquefort, de Tramelay, 11-56. Philippe de André de Montbard, 11-53-69. Odon de Saint-Amand, 11-70. Arnaud de Toroge, 11-80. Gérard de Ridefort, 11-84. Robert de Sablé, 11-91. Gilbert Hérail, 11-93. Philippe de Plessier, 12-01. Guillaume de Chartres, 12-09. Pierre de Montaigu, 12-19. Armand de Périgord, 12-32. Guillaume de Sonac, 12-46. Renaud de Vichy, 12-50. Thomas Bérard, 12-56. Pierre de Montaigu, 12. Guillaume de Beaujeu, 12-73. Thibaut Godin, 12-94. Jacques de Molay, 12-94-2. Thibaut Godin, 12-94. Jacques de Molay, 12-94-2. Thibaut Godin, 12-94. Jacques de Molay, 12-94-2. Thibaut Godin, 12-94. Jacques de Molay, 12-94-2. Thibaut Godin, 12-94. Jacques de Molay, 12-94-2. Thibaut Godin, 12-94. Jacques de Molay, 12-94-2. Thibaut Godin, 12-94. Jacques de Molay, 12-94-2. Thibaut Godin, 12-94. Jacques de Molay, 12-94-2. Thibaut Godin, 12-94. Jacques de Molay, 12-94-2. yet seen the confounded memories of whole knots. This is not the wholesale gardening of a jacket-wise, rubbery, flavored, anachronic discussion. Ceci n'est pas une discussion, ni interne ni externe. Ceci n'est ni une discussion, ni une dissertation. Alors tournez la tête en direction de ce que vous voulez voir pour l'éternité, seul, dans un autre monde que le réel sombre qui existe pourtant. Tant sombre qu'il est. Qui existe pourtant. Tant sombre qu'il est. Jamais on n'entendra rien dans le silence. Par le silence qui parle. Qui parle par. Par. jusqu'au moment où la révolution prolétarienne et la contre-révolution féodale se mesureront par les armes dans une guerre mondiale. Dans notre exposé, comme dans la réalité, la Belgique et la Suisse étaient des gravures de genre tragicomique. Encore une fois, vous écoutez Canal Sud.net. 92.2 FM sur la région toulousaine. De la et ce soir, il y a le THSF à Mixart-Miris. Le THSF, c'est tout le Hackerspace Festival. C'est un truc avec plein d'informatique, entre autres, et tout ce qu'on peut faire avec. Donc, allez-y. Il y a de la révolution européenne. Chose là-bas, je crois, en ce moment même. Maintenant, n'hésitez pas à aller rue Ferdinand, la salle, Mixart-Miris, THSF ce soir et demain. Sous des formes politiques colossales, il est temps d'approfondir les rapports économiques eux-mêmes, sur lesquels se fonde l'existence de la bourgeoisie et sa domination de classe, ainsi que l'esclavage des ouvriers. Nous exposerons en trois grands chapitres. Premièrement, les rapports entre le travail salarié et le capital, l'esclavage de l'ouvrier, la domination du capitaliste. Deuxièmement, la disparition inévitable des classes moyennes bourgeoises et de la paysannerie sous le régime actuel. Troisièmement, l'assujettissement commercial et l'exploitation des classes bourgeoises des diverses nations de l'Europe par le despote du marché mondial, l'Angleterre. Nous chercherons à faire un exposé aussi simple et populaire que possible et sans supposer connu à l'avance les notions les plus élémentaires de l'économie politique. Nous voulons être compréhensibles pour les ouvriers. Il règne d'ailleurs partout en Allemagne l'ignorance et la confusion d'idées les plus étranges au sujet des rapports économiques les plus simples chez les défenseurs patentés de l'état de choses actuel et jusque chez les prématurés socialistes et les génies politiques méconnus dont l'Allemagne morcelée est plus riche encore que du père du peuple. Abordons donc la première question. Qu'est-ce que le salaire? Comment est-il déterminé? Si l'on demandait à des ouvriers « À combien s'élève votre salaire ?» ils répondraient « Celui-ci, ouvre les guillemets. Je reçois de mon bourgeois un franc pour une journée de travail. » Celui-là, ouvre les guillemets. Je reçois 2 francs. » etc. Suivant les diverses branches de travail auxquelles ils appartiennent, ils énuméreraient les diverses sommes d'argent qu'ils reçoivent de leurs bourgeois respectifs pour la production d'un travail déterminé. Par exemple, pour le tissage d'une aune de toile ou pour la composition d'une page d'imprimerie. Malgré la diversité de leurs déclarations, ils seront tous unanimes sur un point. Le salaire est la somme d'argent que le bourgeois paie pour un temps de travail déterminé ou pour une livraison déterminée de travail. Le bourgeois achète donc, semble-t-il, entre parenthèses, leur travail avec de l'argent. C'est pour de l'argent qu'ils lui vendent leur travail. Mais il n'en est qu'apparemment ainsi. Ce qu'ils vendent en réalité aux capitalistes pour de l'argent, c'est leur force de travail. Le capitaliste achète la force de travail pour un jour, une semaine, un mois, etc. Et, une fois qu'il l'a achetée, il l'utilise en faisant travailler l'ouvrier pendant le temps stipulé. Pour cette même somme d'argent avec laquelle le bourgeois a acheté sa force de travail, par exemple pour 2 francs, il aurait pu acheter 2 livres de sucre ou une quantité déterminée d'une autre marchandise quelconque. Les 2 francs avec lesquels il a acheté 12 heures d'utilisation de la force de travail sont le prix des 12 heures de travail. La force de travail est donc une marchandise ni plus ni moins que le sucre. On mesure la première avec la montre et la seconde avec la balance. Leur marchandise, la force de travail, les ouvriers l'échangent contre la marchandise du capitaliste. Contre l'argent, et cet échange a lieu d'après un rapport déterminé. Tant d'argent pour tant d'utilisation de la force de travail. Pour 12 heures de tissage, 2 francs. Et ces 2 francs ne représentent-ils pas toutes les autres marchandises que je puis acheter pour 2 francs ? L'ouvrier a donc bien échangé une marchandise, la force de travail, contre des marchandises de toutes sortes. Et cela, suivant un rapport déterminé. En lui donnant 2 francs, le bourgeois lui a donné tant de viande, tant de vêtements, tant de bois, de lumière, etc. en échange de sa journée de travail. Ces 2 francs expriment donc le rapport suivant lequel la force de travail est échangée contre d'autres marchandises. C'est la valeur d'échange de la force de travail. La valeur d'échange d'une marchandise, évaluée en argent, c'est précisément ce qu'on appelle son prix. Le salaire n'est donc que le nom particulier donné au prix de la force de travail, appelé d'ordinaire prix du travail. Il n'est que le nom donné au prix de cette marchandise particulière qui n'est en réserve que dans la chair et le sang de l'homme. Prenons le premier ouvrier venu, par exemple un tisserand. Le bourgeois lui fournit le métier à tisser et le fil. Le tisserand se met au travail et le fil devient de la toile. Le bourgeois s'approprie la toile et la vend, 20 francs par exemple. Le salaire du tisserand est-il alors une part de la toile, des 20 francs, du produit de son travail ? Pas du tout. Peut-être même longtemps avant que la toile ne soit vendue, le tisserand a reçu son salaire. Le capitaliste ne paye donc pas ce salaire avec l'argent qu'il a retiré de la toile, mais avec de l'argent accumulé d'avance. De même que le métier à tisser et le fil ne sont pas le produit du tisserand auquel ils ont été fournis par le bourgeois, les marchandises qu'il reçoit en échange de sa marchandise, la force de travail, ne le sont pas davantage. Il peut arriver que le bourgeois ne trouve pas d'acheteur du tout pour sa toile. Il peut arriver qu'il ne retire pas même le salaire de sa vente. Il peut arriver qu'il la vende de façon très avantageuse par rapport au salaire du tisserand. Tout cela ne regarde en rien le tisserand. Le capitaliste achète avec une partie de sa fortune actuelle, de son capital, la force de travail du tisserand, tout comme il a acquis, avec une autre partie de sa fortune, la matière première, le fil et l'instrument de travail, le métier à tisser. Après avoir fait ses achats, et parmi ces achats, il y a aussi la force de travail nécessaire à la production de la toile, il se met à produire avec des matières premières et des instruments de travail qui n'appartiennent qu'à lui seul. De ces derniers, fait aussi partie d'ailleurs notre brave tisserand, qui n'a pas plus que le métier à tisser sa part du produit ou du prix. Le salaire n'est donc pas une part de l'ouvrier à la marchandise qu'il produit. Le salaire est la partie d'une marchandise déjà existante avec laquelle le capitaliste achète une quantité déterminée de force de travail productive. La force de travail est donc une marchandise que son possesseur, le salarié, vend au capital. Pourquoi la vend-il ? Pour vivre. Mais la manifestation de la force de travail, le travail, est l'activité vitale propre à l'ouvrier, sa façon à lui de manifester sa vie. Et c'est cette activité vitale qu'il vend à un tiers pour s'assurer les moyens de subsistance nécessaires. Son activité vitale n'est donc pour lui qu'un moyen de pouvoir exister. Il travaille pour vivre. Pour lui-même, le travail n'est pas une partie de sa vie. Il est plutôt un sacrifice de sa vie. C'est une marchandise qu'il a adjugée à un tiers. C'est pourquoi le produit de son activité n'est pas non plus le but de son activité. Ce qu'il produit pour lui-même, ce n'est pas la soie qu'il tisse, ce n'est pas l'or qu'il extrait du puits, mais ce n'est pas le palais qu'il bâtit. Ce qu'il produit pour lui-même, c'est le salaire. Et la soie, l'or, le palais se réduisent pour lui à une quantité déterminée de moyens de subsistance. Peut-être à un tricot de laine, à de la monnaie de billon et à un abri dans une cave. Et l'ouvrier qui, 12 heures durant, tisse, file, perce, tourne, bâtit, manie la pelle, taille la pierre, la transporte, etc. Regarde-t-il ces 12 heures de tissage, de filage, de perçage, de travail autour, ou de maçonnerie, de maniement de la pelle, ou de taille de la pierre, comme une manifestation de sa vie, comme sa vie? Bien au contraire. La vie commence pour lui là où cesse cette activité, à table, à l'auberge, au lit. Par contre, les 12 heures de travail n'ont nullement pour lui le sens de tisser, de filer, de percer, etc. Mais celui de gagner ce qui lui permet d'aller à table, à l'auberge, au lit. Si le ver à soie tissait pour subvenir à son existence de chenille, il serait un salarié achevé. La force de travail ne fut pas toujours une marchandise. Le travail ne fut pas toujours du travail salarié, c'est-à-dire du travail libre. L'esclave ne vend pas sa force de travail au possesseur d'esclaves, pas plus que le bœuf ne vend le produit de son travail au paysan. L'esclave est vendu, y compris sa force de travail, une fois pour toutes à son propriétaire. Il est une marchandise qui peut passer de la main d'un propriétaire dans celle d'un autre. Il est lui-même une marchandise. Mais sa force de travail n'est pas sa marchandise. Le cerf ne vend qu'une partie de sa force de travail. Ce n'est pas lui qui reçoit un salaire du propriétaire de la terre. C'est plutôt le propriétaire de la terre à qui il paye tribut. Le cerf appartient à la terre et constitue un rapport pour le maître de la terre. L'ouvrier libre, par contre, se vend lui-même, et cela en détail. Il aliène 8, 10, 12, 15 heures de sa vie, un jour après l'autre, au plus offrant, au possesseur des matières premières, des instruments de travail et des moyens de subsistance, c'est-à-dire au capitaliste. L'ouvrier n'appartient ni à un propriétaire, ni à la terre. Mais 8, 10, 12 et 15 heures de sa vie quotidienne appartiennent à celui qui les achète. L'ouvrier quitte le capitaliste auquel il se loue aussi souvent qu'il veut. Et le capitaliste le congédie aussi souvent qu'il le croit bon, dès qu'il n'en tire aucun profit ou qu'il n'y trouve plus le profit escompté. Mais l'ouvrier, dont la seule ressource est la vente de sa force de travail, ne peut quitter la classe tout entière des acheteurs, c'est-à-dire la classe capitaliste, sans renoncer à l'existence. Il n'appartient pas à tel ou tel bourgeois, mais à la classe bourgeoise. Et c'est à lui à y trouver son homme, c'est-à-dire à trouver un acheteur dans cette classe bourgeoise. Avant de pénétrer plus avant dans les rapports entre le capital et le travail salarié, nous allons maintenant exposer brièvement les rapports qui entrent en ligne de compte dans la détermination du salaire. Le salaire est, ainsi que nous l'avons vu, le prix d'une marchandise déterminée, la force de travail. Le salaire est donc déterminé par les mêmes lois qui détermine le prix de toute autre marchandise. La question qui se pose est donc celle-ci. Comment se détermine le prix d'une marchandise? Thank you. vous avez compris, il ne se passe rien ici, rien, parce que tout se passe à Mixart Miris ce soir à Toulouse. C'est le THSF France. Man. Yeah, 2017. Allez, spéciale dédicace. Allez tous au THSF. Dans une demi-heure, je vais au THSF. À la fin de mon émission de radio, l'émission Nuisance, nous allons au THSF. Mixart Miris, Mixart Miris, rue Ferdinand Lassalle. Rue Ferdinand Lassalle, c'est vers le boulevard de Suisse à Toulouse, 31 000. Mixart Miris, Mixart France, rue Ferdinand Lassalle. Boulevard de Suisse, rue Ferdinand Lassalle, ligne B. 31 000. Mixart Miris, Mixart France, rue Ferdinand Lassalle. Boulevard de Suisse, rue Ferdinand Lassalle, ligne B. Boulevard de Suisse, rue Ferdinand Lassalle, ligne B. Le caca dans le nez. Dégaze ici. Personne ne dégaze ici. Personne ne dégaze ici.

Have you heard? Have you heard? L'immanence, selon Wikipédia, est un terme philosophique qui, en parlant d'une chose ou d'un être, désigne le caractère de ce qui a son principe en soi-même par opposition à la transcendance, qui indique une cause extérieure et supérieure.

mort de races sauvages, on a parlé de rage, il n'y aura pas de club qui se forme en l'absence de but, pour ainsi dire, il n'y a en rien de discussion terminée. Puisqu'on a un nom, et ben Nuisance, c'est le nom qu'on a. Nous, ici, maintenant, il est 22h55 sur Canal Sud, 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est Nuisance. Nous, ici, mais Nuisance, il est 22h55 sur Canal Sud, 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est Nuisance. Ici, mais Nuisance, il est 22h55. Travail salarié et capital. De différents côtés, on nous a reproché de n'avoir pas exposé les rapports économiques. Travail salarié constitue de nos jours la base étude de nos jours. La base étude de nos jours. On nous a reproché de n'avoir pas exposé les rapports économiques. Travail salarié constitue de nos jours. La base étude de nos jours. La base étude de nos jours. On nous a reproché de n'avoir pas exposé les rapports économiques. Travail salarié constitue de nos jours. La base étude de nos jours. On nous a reproché de n'avoir pas exposé les rapports économiques. Travail salarié de nos jours, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue du travail salarié de nos jours, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue s'exposer les rapports, la battue du travail salarié, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue de la battue s'exposer les rapports, la battue du travail salarié, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue de nos jours, la battue s'exposer les rapports, la battue travail Do you hear me now? Nous sommes le vendredi et comme tous les vendredis entre 21h et 23h, ben c'est nuisance. Et ben nuisance, et ben c'est ça. C'est ça nuisance. Et comme tous les vendredis entre 21h et 23h, ben c'est nuisance. Et ben nuisance, et ben c'est ça. C'est ça nuisance. Et comme tous les vendredis entre 21h et 23h. Eh bien, je vous le dis, ce soir, nuisance est finie. Parce qu'il est 23h et que nous sommes à Canal Sud Radio, libre ou mourir, 92.2 FM, Toulouse, France, ou sur le net à canalsud.net. What have I not said? I mean, THSF, tout le monde va au THSF, rue Ferdinand Lassalle, si vous m'entendez. Si vous pouvez pas y aller, merde. Là, je vais faire des grognements et des hurlements parce que je viens de me rendre compte à quel point la vie peut être difficile des fois. Et donc, je ne vais pas faire ce que je viens de dire, que je vais aller faire. Et je vais m'en remettre sournoisement à mon humilité première, comme on disait. Donc, justement, Nuisance n'est pas une émission qui délire. Quoique, Nuisance, c'est une émission de libre expression. Et en général, ça dérange et c'est très nuisant, l'expression. Et c'est dérangeant, donc on le fait librement dans cet espace. Voilà, et donc ce soir, THSF, Mixart Meris, rue Ferdinand Lassalle, Barrière de Paris, ou Canal du Midi, Ligne B, etc. Rendez-vous à Mixart Meris. Amusez-vous bien, tout le monde, sur Canal Sud.